Si j'imaginais l'amour, il serait peint à ton image. Si j'enfermais l'amour, il serait prisonnier de ton regard. Si je t'offrais l'amour, il aurait la douceur de tes mains. Si je devenais l'amour, je serais l'image de ton image. Si je te parlais d'amour, je te le conterais par le port de tes lèvres. Et si tu m'inventais l'amour, je n'aurais d'autre rivage que l'horizon de tes rêves.